Défi Sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour et bienvenue dans Défi Sport. Aujourd'hui, je reçois Julie et Marion pour parler discipline croisée en sport. C'est parti! Alors bonjour Julie, bonjour Marion. Donc on recommence une nouvelle saison de Défi Sport avec vous, avec une nouvelle formule un petit peu cette année, parce que au lieu d'avoir plusieurs invités à chaque fois, il y a Julie que vous connaissez parce que elle était l'invitée de ma dernière émission de la dernière saison, et elle a décidé de me rejoindre dans l'aventure, donc on va la retrouver de façon régulière. Donc bonjour Julie. Bonjour Cécile. Voilà, et aujourd'hui on reçoit Marion. Donc Marion qui fait entre autres de l'aviron. Donc comment on appelle les jeunes filles qui font de l'aviron? Bonjour, nous appelons ça des rameuses. Voilà, une rameuse simplement, pas une avironneuse, comme je t'avais dit au début. Ça n'existe pas. Donc Marion fait entre autres de l'aviron et fait également... Je fais de l'aviron depuis, 11 ans, et depuis quelques années je cours régulièrement. Et de la course à pied également. Et plus rigoureusement depuis un an. C'est ça. Donc aujourd'hui on va parler des disciplines croisées. Alors donc Marion avec l'aviron, la course à pied, et Julie également qui pratique la course à pied... Le vélo, la natation, entre autres. Le pilate aussi, si vous avez suivi ses aventures dans la dernière émission. D'ailleurs, tu pourras nous faire un petit point sur où tu en es dans l'avancée de tes activités, de ton projet. Donc Marion, pour commencer, on va commencer par les présentations. Donc je te laisse te présenter, ton âge, depuis quand tu fais de l'aviron, comment tu as commencé. Je fais de l'aviron depuis 11 ans, j'ai commencé en 2014. Alors l'âge de 11 ans ou ça fait 11 ans que t'en fais? Ça fait 11 ans que j'en fais, j'étais en 5e. Ouais. C'est mon prof de maths qui m'a fait découvrir l'aviron. Il s'occupait de l'UNSS au collège et il faisait découvrir l'aviron via l'ergomètre, donc la machine intérieure, pour simuler... Discipline croisée également en mathématiques. Donc il m'a fait tester au collège. Ouais. On avait le droit de faire une séance d'initiation directement sur l'eau. Donc j'ai fait et ça m'a plu. Ça t'a plu tout de suite? J'ai jamais arrêté depuis. D'accord. Et donc t'as un petit palmarès quand même au niveau aviron, parce que ça t'a plu, mais l'aviron, tu as plu à l'aviron visiblement également. Oui. Dès ma première année, j'ai pu participer au championnat de France. Enfin, c'est des qualifications qui se font et j'ai participé. Au premier championnat, j'ai fini 9e et dès l'année suivante, j'ai eu une médaille. On a été championne de France avec mon bateau. On était un bateau de 4. À deuxième année, championne de France? Oui. Direct, allez hop, c'est bon, ça s'est plié. Donc c'était une très bonne expérience, j'en garde un très bon souvenir. Même si sur le moment, je réalisais pas trop ce qui se passe, j'avais pas trop d'émotions, je pense. Mais avec du recul, j'en garde un très bon souvenir. Et depuis... Et depuis, t'as jamais arrêté? Non. Et j'ai fait... Oui, j'ai participé au championnat de France tous les ans. D'accord. Et alors, il y a donc la deuxième année championne de France tout de suite, et il y a un autre titre de championne de France, si je ne me trompe pas. Il y en a eu plusieurs. Voilà, oui. Il n'y en a pas qu'un. L'année suivante, en 2017, je suis également championne de France. En 2018, vice-championne de France. En 2019, championne de France. En 2020 aussi. En 2021... La nana, il y a trop de titres de championne de France, je ne me souviens plus des années. Dis-nous quand est-ce que tu n'as pas été championne de France, t'es bien plus vite. Je plaisante. Bah, j'ai fait des podiums tous les ans. D'accord, mais voilà. Jusque le dernier remonte il y a un an. D'accord, voilà. Donc c'est vraiment, t'as plu à l'aviron également. Oui. Et alors en ce qui concerne la course à pied, tu t'y es mis quand? J'ai toujours, dans les programmes d'entraînement que les coachs nous donnaient, il y a toujours eu de la course à pied. Mais depuis un an et demi, je dirais, je cours quand même plus régulièrement où je veux intégrer la course à pied dans mon programme. Et il y a un an, je suis partie faire un semestre d'études à l'étranger, à Varsovie en Pologne, et c'était pas possible de ramer. D'accord. Donc, mon sport, c'était courir. D'accord. La course à pied. Donc, alors, tu nous dis que dans ton entraînement pour l'aviron, la course à pied fait partie intégrante de l'entraînement, par contre. Oui, mais ponctuellement, sur des échauffements ou de la récupération après les séances ou avant des séances de musculation, même pendant les compétitions. Mais il n'y a pas... Ça reste ponctuel, quand même. C'est pas toutes les semaines deux séances de course à pied. D'accord. Parce qu'en fait, l'aviron, c'est connu justement pour être un sport, le sport complet par excellence, quoi. Oui. Donc, au niveau cardio, au niveau musculaire, il développe à peu près tous les muscles du corps. C'est ça. Et par contre, donc, c'est au niveau cardio, j'imagine, que l'apport que peut apporter quelque chose à course à pied. Oui. Oui, donc... et pour faire une séance tampon, comme on pourrait expliquer, pour récupérer, pour pas une séance de travail, mais plus une séance de récupération. Pour récupération du haut du corps, par exemple? Après une séance intensive qu'on a réalisée sur l'eau, ouais. Aller courir après pour évacuer le lactate qu'on a, d'accord. qu'on a accumulé. Ok, d'accord. Et donc ça va être des courses à pied lentes, j'imagine. Oui, oui, oui, ouais, oui. D'accord. Et du coup, toi, comment tu t'es mis à la course à pied en compétition, on va dire? J'ai beaucoup de membres de ma famille qui font de la course à pied en compétition, ouais. des trails aussi. Ouais. Donc des petites. Donc c'était plutôt trail à la base. Oui. Ok. Des petites, je faisais des compétitions de course à pied. Je me souviens d'une compétition en 2018. J'étais chez mes grands-parents et mon grand-père court beaucoup, fait beaucoup de trail et j'ai fait une course à Villefranche du Périgord, un trail de 13 km et bah, j'ai gagné ce trail alors que j'avais jamais réellement couru. Donc c'était un bon souvenir et depuis je cours pour le plaisir. Pour le plaisir, voilà. Et depuis mon échange à Varsovie, C'est vrai que par rapport à l'aviron, la course à pied, c'est un peu plus facile à mettre en œuvre. À l'étranger, t'as pas besoin d'aviron, oui. t'as pas besoin de rame, t'as pas besoin d'une équipe. C'est un peu juste plus simple. Juste mes baskets et voilà. partir courir quoi. Et voilà, c'est un peu plus simple à mettre en œuvre. Alors toi, Julie, de ton côté, en fait, ton sport principal, c'est la course à pied, si je me trompe pas. Ouais. Voilà. Et en complément, tu pratiques? Et natation, vélo et puis du coup le pilates. Et du coup le pilates. Alors, contrairement à Marion. Est-ce que tu envisages la compétition pour le vélo et pour la natation? Alors, hormis le triathlon de Madine réussi avec brio ce dimanche. En fait, j'attendais ce test-là pour voir si ça me plaisait vraiment. Ouais. Et franchement, ouais, je réitérerai l'expérience parce que c'est cool. Après, le sport, ça, on va dire que ça lui colle à la peau depuis le départ. Moi, du coup, dans mon interview, on a bien vu que c'était pas du tout ça. Oui. C'était pas le sport qui m'aimait de base. Hein. Et donc, du coup, ouais, je réitérerai l'expérience. Donc, t'as mordu l'aviron, tu vas passer à le triathlon, tu vas passer à la compétition, quoi. Enfin, ça fait partie de tes futurs objectifs. Ouais, c'est un objectif perso, parce qu'après, je pense que, du coup, en compétition, pour moi, c'est un grand mot. Du coup, c'est plus à chaque fois un challenge perso que de la compète. Je ne fais pas vraiment ça d'un œil compétitif, mais après, je concourrai dans les prochaines courses. Travailler. À la base, on peut dire que le vélo et la natation, c'était des aides pour la course à pied, en fait. Bah, c'était quand j'étais blessée. Moi, j'ai découvert vélo, natation, quand on m'a dit qu'il faut que t'arrêtes de courir. C'est le truc classique, c'est sport porté par excellence. C'est facile, quoi. Voilà. Marion, natation... Alors, natation, vélo, il faut un vélo, mais natation... Natation, c'est non, pas ton élément. Non. L'eau n'est pas dans ton élément, donc tu fais de l'aviron sur l'eau. Être sur l'eau, mais pas dans l'eau. Pas sur l'eau, mais sur l'eau, d'accord. Et le vélo, si, j'en fais depuis... peu de temps. J'ai acheté un vélo il y a récemment, au mois de mai, et j'en ai fait beaucoup cet été. Je connaissais pas du tout. J'ai découvert et c'est très agréable. Alors éventuellement, t'envisages d'intégrer ça également à ta pratique? Non. Enfin, si, de l'intégrer à ma pratique pour faire des sorties longues pour accumuler des kilomètres avec plaisir. Ouais. Pas de souci, mais pas faire de compétition. Pour l'instant, en tout cas, ça m'attire. Pour l'instant, pas de compétition. Non. Alors selon toi, pour l'aviron et pour la course à pied, les qualités physiques qui se retrouvent et les qualités physiques qui diffèrent entre les deux? Qui se retrouvent, le cardio. Ouais, et oui. Clairement. Qu'est-ce qui diffère beaucoup? La plus grosse différence, le haut du corps, j'imagine. Parce oui, que on course à pied, quand même on est beaucoup plus moins plutôt le bas corps, et après les abdos servent dans les deux cas. En aviron, les membres principaux qu'on utilise, c'est quand même les jambes. C'est 50, la répartition, c'est plus 50% les jambes et les 50% ce serait sur le haut du corps. Alors qu'en course à pied, le haut du corps, il est quand même... Très peu sollicité, on est d'accord. Voilà, très peu sollicité. Ouais. Aussi, on peut retrouver... En aviron, on fait beaucoup de renforcement, de gainage. D'accord. Ce qui est utile en course à pied. Ouais. Qui est peut-être moins présent au niveau de l'entraînement, mais qui est utile pour les séances. Ce qui peut différer... Rien que le haut du corps et le bas du corps, c'est déjà une sacrée différence. Oui. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu retrouves en qualité les qualités physiques demandées pour le vélo, par exemple, que tu vas retrouver en course à pied? Moi, c'est la respiration qui m'a le plus... Qui t'a plus aidé? Ouais. Ouais. Avec le vélo? Pas avec la natation? Les deux, en fait. Ouais. Ouais. C'est là où je me suis dit, dans les trois, ça m'aide vraiment à améliorer la course à pied, la natation et le vélo. Après, la natation, pour moi, ce qui m'a bien aidé, surtout après sur une pratique triathlon, du coup, c'est le haut du corps. Là, pour le coup, c'est là où ça va travailler le haut du corps. Les jambes, bah, ça m'a permis de faire tourner les jambes, d'activer vraiment le bas du corps pour la course à pied après. Voilà. Après, les qualités, l'avantage, c'est que c'est deux sports portés. Alors toi, c'est l'inverse, en fait. Toi, c'est... tu pars d'un sport porté, entre guillemets, l'aviron. Si je... C'est porté. On peut estimer ça que c'est porté. Pas d'impact aux articulations, en fait. C'est des mouvements fluides. Oui. Tu pars d'un sport cyclique. Porté pour aller vers un sport à impact, justement. Oui. D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale proposée par Marion, donc justement, qui a choisi son titre. Et tu vas nous expliquer pourquoi. C'est la musique que... qui était sur le podium, mon premier podium en 2016. D'accord. Une musique que quand j'entends, je me remémore ce podium. Voilà, allez, c'est parti. Sport sur Fadjet. Et nous voilà de retour dans Défi Sport après cette pause musicale, toujours avec Marion et Julie. Donc on était sur la complémentarité des différents entraînements. Alors on parle principalement aviron et course à pied, puisque Julie course à pied, Marion aviron et course à pied, et un petit peu vélo et natation. La question, mais j'avais eu la réponse, c'était est-ce que vous faites de la compétition dans tous les sports? Donc au départ, Marion, c'était que l'aviron, je vais y arriver. Julie, c'était que la course à pied. Julie, tu nous as dit que visiblement c'était ta première compétition de triathlon, donc ouais. Natation et vélo, ça t'a beaucoup plu, ça t'a donné envie de t'y mettre. Marion, la course à pied, toi, c'était un complément et t'as décidé également de passer à la compétition? Oui, même si avant que ça devienne réellement un complément, j'en faisais déjà, mais oui. J'ai cet esprit de compétition qui restera tout le temps. Je peux pas faire juste un sport juste comme ça, non, il faut que pas la course à pied en tout cas. D'accord. Comment ça se passe au niveau de l'organisation de vos semaines d'entraînement? C'est-à-dire que tes entraînements d'aviron, déjà t'en as combien par semaine en fait? Au jour d'aujourd'hui je m'entraîne 7 à 8 fois par semaine. 7 à 8 fois, donc il y a du bicotidien. Oui. D'accord. Sur l'eau à chaque fois? Non, il y a beaucoup d'entraînements qui se font en salle, de la musculation, justement l'ergomètre dont je parlais tout à l'heure, la machine, la course à pied, il y a aussi du vélo d'intérieur, du vélo d'extérieur, et on va sur l'eau quand même, on essaye d'y aller au moins 3 fois par semaine, même si ça dépend des bateaux préparés, pour si tous les emplois du temps coïncident. C'est ça, c'est au niveau emploi du temps, c'est si t'as entre 7 et 8 entraînements par semaine. En fait, alors ça représente combien d'heures d'entraînement? Un entraînement sur l'eau, du début, du premier coup au dernier coup, ça représente, je dirais, 1h30. Mais il faut sortir le bateau, sortir le matériel, ensuite... Ah oui, donc c'est 1h30 sur l'eau? Oui, au moins. Il y a au moins une demi-heure avant, une demi-heure après, j'imagine. C'est ça. Ouais, d'accord. Julie, toi, t'es à combien d'entraînements course à pied uniquement par semaine? Idéalement 3. Idéalement 3. Ouais. Et alors, quand on rajoute piscine et vélo... Alors bah du coup là le vélo, je pense que c'était aussi la période qui fait que j'en ai fait beaucoup. Un peu plus l'été que l'hiver, c'est plus sympa quand même. Home trainer quoi pour la suite. Donc après c'est un peu quand j'ai le temps, je pense le vélo, la natation, j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine aussi. Ouais. Et puis bah voilà, le pilates une fois par semaine. Et donc en nombre d'heures par semaine, t'es à peu près à combien tu sais? Je sais qu'à la montre je suis à 700 minutes. Alors après en heures. Je vais être un peu plus de 6 heures presque par semaine. Un peu plus de 10 heures. 16, 700 minutes. Pardon. 10 heures. à peu près ouais. ça, ouais. Facile. Et alors Marion, toi si t'es à 8 entraînements par semaine. À la montre, cette semaine par exemple, c'était 10h45. Ah bah ça se tient en fait. Oui. Finalement ça se tient. Alors juste 8 entraînements par semaine, comment tu comptes intégrer de l'entraînement course à pied? Dans les 8 entraînements, la course à pied est intégrée. Avec, en passant de la course à pied qui te servait pour l'aviron à la compétition, tu vas garder ce rythme-là? Non. C'est-à-dire tu vas augmenter la course à pied? Oui, je vais diminuer l'aviron et augmenter la course à pied. D'accord. C'est un choix personnel, ça. Voilà, mais... c'est une bascule, ça s'opère une bascule sur... Tu continueras de faire les compétitions en aviron? La période hivernale en compétition à l'aviron, c'est quand même assez assez très calme. Saisonnier, l'aviron, c'est comme le vélo, quoi. Oui, ouais. Là, le dernier championnat de l'année, c'est dans quelques semaines, le 12 octobre. Donc ça terminera l'année sportive qui vient de s'écouler. Et les prochaines compétitions auxquelles je sais que je vais participer, ça arrivera au printemps 2026. Donc, D'accord. Et comme c'est très saisonnal, en fait, les entraînements, il y a autant d'entraînements pendant la période hivernale ou pas? Oui, la période hivernale, ça sert de travail foncier. Foncier, ouais, voilà. Comme en course à pied, quoi. Oui. D'accord. Et alors, toi, Julie, t'es à ton max au niveau emploi du temps ou... Ah bah oui. Pourrais... Ouais, on est d'accord. Non, oui. Donc toi, Marion, t'es encore étudiante, mais en alternance. C'est ça. Et ça te pose pas trop de problèmes? C'est comment t'articules en fait dans ta semaine, dans ton planning hebdo? Jusqu'à présent, j'ai aménagé mes études, donc j'avais moins de cours, donc je pouvais plus m'entraîner. Donc j'arrivais à jongler entre les deux. Ça demandait clairement une organisation, ouais. Et d'anticiper tout, mais ça se passe. C'est très bien passé jusqu'à présent. Et depuis 2 ans, je n'aménage plus mes études. Donc oui, il y a des semaines où je m'entraînerai pas 8 fois, je m'entraînerai que 5-6 fois, 7 fois, ça dépend. Mais dès que j'ai le temps, je vais faire du sport. Donc, et j'adapte suivant ma... Tes possibilités, voilà. Quoi. D'accord. Si je suis au travail, si je suis à l'école, si j'ai plus de cours ou pas. Alors une question pour toutes les deux, c'est que plus on augmente les disciplines, plus on augmente la charge d'entraînement, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de surentraînement? Julie, t'as un petit avis? Bah oui, parce que du coup, forcément, moi, c'est le surentraînement qui m'a blessée. Ouais. Donc, alors, c'était le surentraînement course à pied ou pluridisciplinaire? Ouais. Non, course à pied. D'accord. Donc, c'est sûr qu'après, en fait, le fait, au final, la pluridisciplinarité, moi, au final, elle m'a aidée à me préserver justement des blessures parce que je faisais moins de course à pied. Ouais. Parce qu'avant, les 10 heures, en fait, elles passaient pratiquement que dans la course à pied, alors que du coup, là, j'ai vachement réduit mon volume par semaine. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a aidé justement, on va dire, à éviter le surentraînement dans une discipline précise. Et du coup, niveau santé, c'est beaucoup mieux. Et toi, Marion? Je ne l'ai pas compris tout de suite, ça, mais que ça existait le surentraînement et que... T'as pas compris? Non, au début, je ne le comprenais pas, mais je me suis blessée il y a quelques années. Et j'ai compris que le repos, ça faisait aussi partie de l'entraînement. D'accord. Et que fallait, le renforcement, c'était aussi pour éviter les blessures, prévenir les blessures... changer, pareil, la course à pied, ça pouvait me renforcer aussi pour l'aviron. C'est tout un ensemble, quoi. Un équilibre à trouver. D'accord. Et donc, t'as dû passer par, entre guillemets, le surentraînement pour le découvrir. Ils vous mettent pas en garde? Enfin, l'entraîneur t'avait pas mis en garde ou t'as pas voulu l'entendre ou... Je pense que je l'ai pas assez dit. Je voulais pas admettre que peut-être que j'étais fatiguée, trop fatiguée, trop de charges de travail. La compétition avait pris le dessus. Non, j'ai peut-être pas voulu le dire. Ah si. Du coup, alors comme on est toutes les trois d'accord sur le fait qu'il existe un risque de surentraînement, quelles mesures vous mettez en œuvre pour éviter les blessures justement? Sur les trois disciplines, c'est l'alternance, l'équilibre, Julie c'est trois, un tiers, un tiers, un tiers. Marion, est-ce que tu équilibres, est-ce que tu fais hyper gaffe à ce que tu fais au niveau ramé? Non. Non, vous n'avez pas le visage, mais alors la réponse était clairement non, même si on l'a pas entendu dans le micro. Je pense que pour l'instant, je le fais plus au feeling parce que je suis en train de faire la transition, mais... Après, je devrais plus suivre un vrai programme où les deux peuvent coïncider et pour éviter d'être trop à fond deux. D'accord. Parce que donc on est d'accord que plus on multiplie les risques, les sports, plus on multiplie le risque de blessure. Ça, oui. Julie, t'en penses quoi? Tu penses aussi ou pas? Je pense que c'est pas plus on multiplie parce que moi finalement j'ai multiplié les sports, je suis passée de 1 à 4. Ouais. Et au final, je me fais beaucoup moins mal qu'avant. Donc. Ouais. Pour moi, c'est pas forcément histoire de multiplier. Au contraire, c'est l'inverse. Ouais. Pour moi, c'est par contre, si on multiplie par 4 le temps dans un sport particulier, on va solliciter tout le temps la même chose finalement. Donc, oui. Moi, c'est là en tout cas où moi je trouve le risque de blessure plus important. D'accord. Marion. Je suis d'accord, mais il faut faire attention à l'intensité qu'on met dans chaque sport, du coup. Oui, bien sûr. Bah, les séances, après, elles sont construites plus ou moins. Oui. On va avoir des séances, je sais pas, en course à pied, on va s'est construit en séance d'allure. Après, des fois, on fait que 20 bornes de footing, on fait de la PPG. Des fois, on va courir pendant une heure. Oui, après, c'est vrai, l'intensité, oui, elle joue beaucoup. Oui. C'est la construction vraiment de... C'est l'équilibre à trouver au niveau construction du plan d'entraînement, quoi. C'est ça. Au niveau mental, alors mental et plaisir, attention, au niveau sport, est-ce que ça vous apporte quelque chose de faire plusieurs disciplines différentes? C'est-à-dire que est-ce que ça casse la routine? Est-ce que ça vous aide à rester motivé? Ou alors, clairement, je dis n'importe quoi, mais bon, la natation, j'y vais parce qu'il faut y aller, parce que j'ai bien compris que ça m'aidait pour la respiration, mais c'est vraiment pas mon kiff, quoi. Faut se forcer un peu des fois. Faut se forcer un peu. Il y a forcément des moments, même si le sport il nous plaît beaucoup, je pense qu'on a tous eu le... Oh non, j'ai pas envie, quoi. Oui, le 8h du matin, d'aller mettre la tête sous l'eau. Ouais. Même si on sait que c'est bien, et même si des jours je vais être trop motivée pour aller faire les 2000 mètres de natation, et des jours pas du tout. Enfin, c'est un peu... En danse-y ? Ouais. Et toi, Marion ? Je suis d'accord. Je suis d'accord, faire de l'ergomètre, c'est pas du tout une partie de plaisir pour moi. Ouais. Je trouve ça très ennuyant, mais il faut passer par là pour... Et alors, par contre, d'alterner aviron et course à pied, ça te casse un peu la routine ou aussi, oui. Ou tu te forces, quoi? Non. Ça, par contre, je me force pas. Non. Et j'ai appris aussi à faire le sport que j'aimais et qui me faisait plaisir et quand j'en avais envie. Et le vélo, pareil. Donc, tu dis que tu viens de découvrir le vélo, mais est-ce que du coup, ça t'a vraiment plu et tu peux éventuellement l'intégrer pour casser encore plus la routine avec trois sports différents? Oui, voilà. C'est envisageable. C'est plus dans le sens là que je vois le vélo. Comme bon, j'en ai fait beaucoup cet été, comme t'as dit, Julie, c'est... Je pense que c'est la période qui a fait que j'en ai fait beaucoup, mais que j'en ferai moins cet hiver. Mais ça reste un bon complément des deux autres sports. D'accord. Défi sport sur Fadjet. Voilà pour les témoignages. Mais donc, je vous avais promis une petite nouveauté avec Julie, à qui j'ai demandé une petite chronique régulière. Et la deuxième passion de Julie, on va dire, c'est la nutrition, les recettes. C'est ça. Voilà, hein, c'est ça. Et donc, pour rester dans le sport et puis pour la rentrée, pour prendre des bonnes résolutions, on va dire, sportives, Julie va nous proposer une petite recette. Une petite recette, c'est ça. Et pour la première recette, je vais commencer par le début de la journée. Une recette de petit-déj protéiné, où ça peut aussi servir de post-entraînement. Aujourd'hui, je vous propose une recette, c'est le porridge. Donc, c'est une recette qui est très connue, reconnue pour... C'est bien fait protéiné, avec les glucides, tout ce qu'il faut vraiment pour bien commencer la journée. Et moi, la version, c'est la version vanille et fruits rouges. Donc tout simplement, pour cette recette, il ne faut pas grand-chose. Il vous faut 30 g de flocons d'avoine, donc votre source de glucides. 10 g de graines de chia, qui sont très connues pour du coup être riches en oméga-3. 30 g de protéines en poudre. Les protéines en poudre, donc faut pas avoir ça. Souvent, c'est un peu, ça se démocratise en ce moment, mais c'est vrai que ça fait peur aux personnes qui n'en utilisent pas. Ça permet vraiment d'apporter le quota de protéines qu'il vous faut vraiment si vous faites du sport, etc. On peut pas par jour, en fait, juste avec la viande ou quoi que vous prenez par jour, c'est quand même bien d'avoir un apport en plus en protéines. Donc dans la recette, vous pouvez rajouter 30 g de protéines en poudre à la vanille. 2 cuillères à soupe de skyr, pareil, qui va permettre encore d'augmenter le quota de protéines. Un filet de sirop d'agave, très léger, sinon ça reste quand même un sucrant, même si c'est un sirop d'agave. Du lait, donc moi je préconise le lait de soja, c'est un peu plus digeste que le lait de vache. Et tout ça, vous le mélangez simplement dans un bol, vous le laissez toute la nuit reposer au frais, et ça vous fait en fait le lendemain matin, vous avez juste à le prendre, vous rajoutez du coup des fruits rouges, des copeaux de chocolat, ce que vous voulez, des fruits. Donc moi en l'occurrence pour celui-là, je vous conseille de rajouter framboises et myrtilles. Et vous avez votre petit déjeuner en fait, vous avez juste à le préparer la veille, il y en a pour 2 minutes à mélanger, donc ce que je vous ai dit. Et le lendemain matin, c'est prêt, il n'y a plus qu'à le déguster le matin. Merci Julie. De rien. Merci. Défi sport sur Fadjet. Donc voilà. Alors tu nous as donné, c'est une recette pour le petit déjeuner. On est en fin d'après-midi, mais ça peut faire envie, non? Maintenant, ça peut faut faire le préparer dès ce soir là. Ah ouais, c'est pour préparer dès ce soir. Voilà. Vous avez la recette, vous préparez, vous le mangerez que demain. Voilà, c'est ça. T'en as pensé quoi, toi, Marion? J'ai déjà mangé. Bon, je mange des porridge, mais j'ai une petite version modifiée. À la place du lait, moi, je mets un café, un expresso. Ok. Ah d'accord. Et pour ajouter un petit peu de goût. Voilà, c'est ça. Tu fais attention d'ailleurs, on en a pas parlé, mais au niveau alimentation, j'imagine que t'as un peu sensibilisé ou pas du tout? Oui, si. On a des sportifs pas du tout, qui sont venus, qui nous le disent. Hein. Si, on doit faire attention à manger. Enfin, pour bien récupérer, la nutrition, ça fait quand même la nutrition, ça fait part de la récupération et du programme d'entraînement quand même. Et il faut, oui, manger son quota de protéines par jour. Voilà. Donc, si tu rentres ce soir, tu le prépares le porridge de Julie ou tu n'as pas les fruits rouges? Avec le shot d'expresso. Avec le shot d'expresso. On essayera les deux. Défi sport sur Fadjet. Eh bien, merci beaucoup, Julie et Marion. Donc, Julie, on va te retrouver. Marion, merci d'être venue. Merci pour ton témoignage. Et puis, on se retrouve le mois prochain dans un nouvel épisode de Défi Sport, l'émission qui donne la parole aux filles qui font du sport.